moment chez Issy Paris XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur issyparisxl.be. Il est 17h sur Fun Radio. Dans moins de 5 minutes, c'est l'Happy Hour qui commence. Avant ça, c'est l'heure de s'informer. C'est avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey. Salut à tous. Les débuts de mois se suivent et se ressemblent pour le moment en Belgique. Après l'annonce de la disparition prochaine de Caterpillar Agosti, c'est chez ING. On va avoir droit à un drame social de grande ampleur. C'est pas une surprise vu qu'on en parlait depuis la semaine dernière déjà, mais un choc tout de même, évidemment. Ce sont 3150 emplois qui vont passer à la trappe dans les activités belges de la banque néerlandaise d'ici 2021. Et 600 agences devraient fermer sur les 1250 que comptent ING et Record dans le pays. Annonce faite ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Alors sur les 3000 et quelques pertes d'emplois, il y aura pas mal de départs naturels en fait, mais il restera tout de même quelques 1700 travailleurs qu'il faudra licencier. Ah bon, je dis il faudra, mais c'était peut-être pas inévitable à partir du moment où ING n'est pas en difficulté. Il s'agit de ce qu'on appelle une décision stratégique, mais que les syndicats n'apprécient évidemment pas, d'autant que le big boss du groupe, lui, s'est vu octroyer une augmentation de salaire de 25%. J'évoquais la semaine dernière l'accord de paix historique signé entre les autorités colombiennes et la rébellion communiste des FARC. Accord de paix censé mettre fin à une guerre de plus de 50 ans. Seulement, cet accord a été soumis à référendum hier dimanche et le président Santos avait beau prévenir que la Colombie replongerait dans la guerre en cas de victoire du non. C'est le non qu'il a emporté. De justesse, mais quand même. Une courte majorité des électeurs a donc suivi l'ancien président Uribe qui avait critiqué cet accord de paix, étant donné l'impunité accordée aux guerrieros coupables de crimes de guerre. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément replonger dans l'horreur non plus. Visiblement, il n'y a plus grand monde qui a envie de se battre dans ce pays. On va donc continuer à chercher une issue négociée au conflit. En Hongrie aussi, il y a eu un référendum hier. On a demandé aux gens s'ils étaient d'accord ou non avec le souhait de l'Union européenne d'imposer des quotas de migrants dans chaque pays de l'Union. On sait que le Premier ministre hongrois Viktor Orban est farouchement opposé à cette idée et quasi tous les gens qui se sont rendus aux urnes hier sont du même avis que lui. Les Hongrois rejettent à plus de 98% l'idée de quotas obligatoires. Le problème pour Orban, c'est qu'il y a quand même moins de 40% des électeurs qui se sont déplacés. Or, il en aurait fallu 50 pour que le résultat du référendum soit validé. Mais bon, on sait que M. Orban a, sur la démocratie, des idées très personnelles. Il compte donc poursuivre, comme si de rien n'était, son bras de fer avec l'Europe. À noter enfin que la Commission européenne ne comptait de toute façon pas tenir compte du résultat de cette consultation populaire, rappelant que les États membres avaient la responsabilité légale d'appliquer les décisions qui étaient prises. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'était pas terrible. La météo, c'était bof. Est-ce que demain, il fera meilleur, Carlo? En principe, il y aura du soleil demain. Il fera pas plus chaud, mais il y aura du soleil. Voilà. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Major Lazer et Justin Bieber. Salut. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. I won't let go. toujours. Tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle semaine là, à l'antenne de Fun Radio avec toute l'équipe de la Power qui est là, qui est en place, qui est prête ou pas? Ouais. Il y a Fab qui est là d'un côté. Ça a été la journée? Ouais, bien. Bien fort. Pourquoi tu parles comme un carreau? Je suis dans fond. Vas-y. D'accord, ok. Non, mais on va laisser tout le monsieur se calmer. Bien. Tout va bien. On a Alison et Kiki aussi au standard. Ça va? Ouais. Coucou. Ouais. Comment on fait pour vous joindre? 02 851 4x0. J'attends parce qu'elle me dit juste le numéro, genre 02 851 4x0. Et ça fonctionne aussi avec le SMS. C'est quoi le numéro du SMS? Le 3044. Mais qu'est-ce que c'est une bonne élève, Alison. On donnerait pas son numéro de GSM directement? Non, on va pas faire ça. Non, on a Sandro qui est là aussi. Bonjour. Tout le monde va bien? Mais oui, tout le monde. Pourquoi tout le monde va bien? On est tout seul dans ma tête. Bah parce que non, justement vous êtes plusieurs, c'est pour d'accord, ça que je demande. Mais tout le monde va bien dans la tête. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Vous êtes éclaté ou pas? C'est bon? Vous êtes prêt à... Ah oui, clairement. Ah, moi j'ai bouffé comme un cochon tout le week-end. Ah bah bravo. Bah tiens, moi j'ai fait un truc, ça m'a rappelé des souvenirs d'école. Qu'est-ce que t'en... Attention, vous allez voir à quel point ma vie est palpitante et super passionnante. T'as fait des punitions? Non, j'ai pas fait des punitions. Je suis allée aux grottes de Han. C'était donc une punition. Ah ouais. Je te jure, je suis arrivée là-bas. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et je me suis dit, allez, c'est bon, mets-toi dans l'ambiance et tout. Tu te souviens quand t'étais petite, t'aimais bien. Et bah, franchement, ça m'a rappelé trop des souvenirs d'école. Toi, t'as eu un date qui a foiré ce week-end, c'est ça? T'as eu un regard, le mec qui t'a emmené aux grottes d'or. Il a voulu t'impressionner. Si le mec qui m'emmène pour la première fois dans les grottes d'or, je lui dis tout de suite, fuck, ça va pas aller. Ça va pas être possible. Non, mais sérieusement, ça m'a rappelé des souvenirs de quand on était à l'école. Hein. Je me souvenais de tout et tout. Mais... même des escaliers, machin, ça m'avait impressionné, petite. Il n'y a pas des activités comme ça qui vous ont marqué à l'école, Sandro, par exemple? Ah oui, moi, on m'avait promis une chouette activité scolaire. Il fallait bien étudier. Ouais. On a bien étudié, puis on a été à Charleroi. Oh non, c'est vrai. Voilà. T'as fait la visite de la ville et tout? Oui, malheureusement. Ah bah voilà, mais c'est cool. La cour défavorisée, c'est ça. Oui, c'est mais ça. Enfin, toi, Fab, le truc qui t'a marqué quand t'étais à l'école? Bah, moi, j'ai pas été longtemps à l'école, mais j'ai fait, je crois, une sortie. C'était les classes vertes. On ouais. a été. Ça s'appelle classe verte. Attends, classe verte, c'est les classes de forêt, ça? Ouais, mais attends, ah ouais. Classe verte, on était à la panne. Ah, j'étais dans une école un peu spéciale. Ben, ils ont pas bien compris le concept. Non, c'est hein. ça, voilà. Et vous, de l'autre côté de la radio, c'est quoi l'activité, le truc que vous avez fait avec l'école, mais qui vous a marqué de ouf? 30-44, pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi. Il y a Robert qui me dit, moi, je suis déjà allé à la mer du Nord avec toute l'école, et c'était juste l'éclate. Bah, allez-y, on attend vos petits messages, on vous passe à l'antenne. Et puis, là, côté son dance floor, c'est de Parakeet pour commencer l'émission. Bon après-midi, tout le monde. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. Run. I'm scared without my change. Please. Radio. Murder, l'inspire provient de murder. Ça m'a tout l'air d'un heurde. Ramène mon verre de soda. Appelle-moi Docteur Guero. De speaker Maguero. Paris, ça devient Soweto. Va falloir se lever tôt, tôt, tôt, tôt, tôt. Sûrement pas les gens des beaux quartiers. Non. Merde, tu t'es mis dans la merde. T'aurais pas dû faire le nerf. On va te monter en l'air. Arrête ton numéro. On s'improvise pas héros. J'kick même sur de l'électro. Appelle-moi le torero. J'emplace une spéciale pour nos ennemis. Venez, venez nous voir sur scène. À tous ceux qui étaient présents au Zénith, on vous aime. Toujours entouré de mes associés. Braqué le blanc pour me saucer. 4-4 catapulté vers le sommet. Système solaire. FN d'or. J'suis dans la porte avec mes rouilles à Harry. Open the door. C'est nous on fait du bruit pendant que le FN d'or. J'suis dans la porte avec mes rouilles à Harry. Open the door. Bellis, au Tiex, on manque de réalisme. Moi dans ma tête c'est l'Afrique. J'vois bien tout loin au Mali. Vas-y Harry, fais kiffer ta nuit qui tissage. Mon lui, dis-lui qu'elle a le plus beau des visages. Vas-y, mets du son, mets du swag, mets du tout. Ici c'est danse obligatoire, minimum les petits. Comme dit le boss, y'a des problèmes. Autant qu'un parilo. Faut que je me tèche du haut de la c'est là. Te quiero. Radio et la suite du son d'Explore, c'est avec Jonas Blue, Perfect Stronger, il y aura aussi le nouveau Dua Lipa, rien que pour vous. Ça arrive dans, allez, même pas 10 minutes sur Fun Radio. Restez bien là, on se rappelle des petits souvenirs d'école là dans l'émission aujourd'hui. Je suis allée au Grotte d'Or ce week-end. Hein. Wouhou! Waouh, c'est l'éclate! Ah non, mais sérieux, moi je fais des trucs de dingue. Hein. Le dimanche, je me suis retrouvée. Attention, parce qu'en plus, j'avais oublié que tu y allais en train à la grotte. Vous vous souvenez de ça? T'arrives à la grotte d'Or, tu mets tes petites fesses dans un train qui fait un boucan de monstres, et puis t'arrives devant la grotte, là. là machin, c'était énorme. Et quand j'étais dans le train, je me disais, mais qu'est-ce que, pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est bizarre. Mais tu peux nous dire, hein, dans ta vie, si ça va pas, non, mais écoute, à manger je une tarte teste le dimanche choses, à la maison. Et... Je me suis dit, je vais apprendre, c'est bien pour moi. J'explore de nouveaux horizons. Et dis-nous, Audrey, qu'as-tu retenu de cette visite? Bien, rien. Vraiment, réellement. Ah, si. Attends, les stages et la différence, comment on fait pour voir si c'est une stalactite ou une stalagmite? Oui, et alors le M, ça monte, voilà. Le T, ça tombe. C'est ça, tu savais ça? De quoi? Alors, la stalactite. Ouais. Ça. Il y a T, donc ça tombe. D'accord. Et la stalagmite, il y a M, donc ça monte. Oui, mais je pense que Sandro voudrait déjà savoir c'est quoi un stalactite. Mais c'est. Écoute, tu iras au gros dos. Oh, ok, mais pas... ça c'est version grammaire, mais quand tu vois le truc devant toi, comment tu sais si ça monte ou mais ça descend? Mais t'es con ou quoi? Bah alors ça, c'est quoi cette question à la con, hein? Non, mais franchement, il y a que ça. Ça ressemble à quoi un stalactite mythique? Tu vois ton zigouigoui? Oui. Eh ben c'est comme un stalactite. Des fois il monte, des fois il descend, ça dépend. Alors, chez moi, il descend tout le temps, il monte jamais. Sauf que du stalactite, c'est propre. Non, mais du coup, je vous ai demandé de me dire, c'était quoi vos souvenirs d'école? Genre, la sortie qui vous a marqué de dingue. On me dit, moi, c'est la visite médicale, c'est Guillaume qui dit ça. Oh. Si tu t'en souviens, c'est que ça n'a pas été super bien. Mais tu te souviens pas, il fallait faire pipi dans un pot, repasser devant tous tes potes avec ton pot de pipi. Et alors, pire, pour les garçons, je me souviens, il y avait un toucher. Ah oui, le toucher de quoi? Le petit toucher. À Charleroi, peut-être, mais nous, on ne nous touchait pas, j'étais dans des copains, moi. Il y avait le toucher des boboles. Bah, si. Ah, les bubbles. Si, tu n'as pas touché des boboles? Pas que je m'en souvienne, non. Attends, mais est-ce que c'est un truc qu'on faisait qu'à Charleroi? Dites-moi, au 30-44. Est-ce que. Attendez, c'est une question sérieuse. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un toucher de bubbles lors de la visite médicale? 30-44 pour vos petits messages. On a Émilie qui est là, qui vient d'Asenberg. Salut Émilie, ça va bien? Oui, ça va et vous? Bah écoute bien, Émilie, je vais pas te demander si t'as eu un toucher de bubbles, puisque a priori, tu n'en as pas. Émilie, c'est quoi, toi, le truc qui t'a marqué à l'école? Le truc que t'as kiffé grave? Moi, c'était en 6e, c'était les classes de neige. Ah oui! Donc, c'était un peu plus spécial que les autres années, c'était 15 jours. Et je sais pas si vous, c'était la même chose, mais moi, je trouve que quand on était plus jeune, le trajet en car paraissait toujours super long. À fond! Et alors, nous, par contre, en arrivant justement en classe de neige, il y a le pneu du car qui a pris feu. Donc, ça, c'était un peu moins drôle. D'accord. Donc, sinon, après, les classes de neige étaient assez sympas. Et soirée raclette, etc. Bon, oh, c'était bien. Et mais attends, oui, et alors j'adore parce que je sais pas si tes parents ils ont fait ça aussi, Émilie, mais quand ils nous déposaient, généralement les classes de neige c'était le premier voyage que tu faisais sans tes parents. À et fond. Donc t'avais toutes les mamans qui étaient en mode je pleure à mort et t'avais les enfants. Wouhou, c'est parti. Moi j'ai retardé le car pendant une heure. Pourquoi encore? Parce que j'avais oublié ma valise dans le coffre de la voiture de mon père. Uh-huh. Mais il n'y avait pas de GSM à l'époque, donc j'ai dû attendre qu'il rentre à la maison. La pleure disant papa, il faut que tu reviennes, la valise est dans le coffre. Mon père il est revenu sur le parking, j'ai bloqué le car pendant une heure car parce que c'était à l'autre bout de Bruxelles. Oh, le lourd. Il m'a plus fait de bisous, il a ouvert le coffre. Il a pris la valise, il l'a jeté sur la figure et puis il est parti. Mais tu m'étonnes, tu sers à rien. Et alors, il y a un auditeur qui nous dit que concernant les bubbles, comme Fab n'a pas eu un toucher de bubbles à la visite médicale, on dit peut-être que l'infirmière n'a jamais trouvé celle de Fab en fait. C'est vrai qu'il y a bon ventre devant, hein, mais. Énorme. Émilie, merci beaucoup d'être passée à l'antenne. Je te fais des bisous. Avec grand plaisir, merci. Salut. Merci à vous pour votre bonne humeur. Moi, ouais, de rien. Bisous, Émilie. Reste bien à l'écoute de l'émission. Au revoir. Bisous. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah ouais, il y avait un toucher des bubbles à la visite médicale. Mais peut-être dans les écoles catholiques, les prêtres. Mais t'es con, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir? Je te jure, je me souviens, même tous les copains de classe, ils revenaient, ils étaient trop gênés. Ils avaient la gaule. Ouais, alors ça dépend. C'est vrai, il y avait deux versions. Il y avait les garçons qui étaient gênés parce que l'infirmière avait été chipotée. Et puis les autres qui étaient en kiff sur l'infirmière. L'infirmière, elle a touché mes bubbles et comme elles étaient très jolies, elle a fait un bisou dessus. Mais non, allez, quelqu'un a déjà vécu ce moment. 30-44 pour vos messages, 50 centimes l'envoi. On va se faire le son de Dua Lipa. Dans un instant, il y aura Jonas Blue aussi. Et puis on voudrait bien résoudre cette énigme. Est-ce qu'il y a eu des touchés de bubbles, oui ou non? Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda, on est toujours plus détendu que les autres. Ah,

Mouah. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Bon après-midi sur Fun Radio, c'était le nouveau Dua Lipa. On va enchaîner avec Galantis, No Money. Il y aura aussi The Weeknd et puis Felix Jane pour la suite du son d'Enflor. Tout ça, ça arrive juste après le trafic dans l'Happy Hour. L'info trafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et j'ai reçu vos petits messages aussi au 3044 là, concernant les souvenirs d'école. Je suis allée au Grotte d'Oran ce week-end, ça m'a rappelé trop des trucs. Et du coup, on cherchait quelqu'un qui a eu un toucher des bubbles à la visite médicale, parce qu'apparemment, Fab n'a jamais connu ça. Bah, moi, ça me rappelle rien. Quel désespoir. Bah, pas touché des bubbles. Non, mais globalement, quoi. C'était quoi le souvenir qui vous a marqué à l'école? Je sais pas, ça pouvait être une excursion. Vas-y pour le dire. Moi, c'était ma retraite. Ta retraite? Oui. Ah, la retraite à l'école où tu devais aller trois jours chez les frères là. Quand tu... Oui, non, on était parti une semaine, tu te prépares là pour la profession de foi. Ah ouais, non, ça. Et au fait, on s'est fait foutre dehors par la sœur générale parce qu'on était dans le couvent des filles ou je sais pas quoi. Énorme, 30-44 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi. On va vous lire dans un instant. Avant ça, on part du côté de la route. Comment ça se passe le trafic? C'est le bordel, oui ou non? Ah ben oui, bonjour. Oui, c'est le bordel, toujours là. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais avec les collègues, on fait un week-end marathon de folie. Ah ouais. On se cache derrière le pont, tu les sais. Comiques, oui, ouais. Toi tu as été pris, je sens ça. Non, pas encore. Tu mais... sais, on se met dans les routes près des écoles quand il n'y a plus personne, hein, et on est caché derrière un petit pont. Puis toi tu passes, tu dis il n'y a personne, les enfants sont à l'école, hein, et 50, 60, et boum, c'est une zone 30. Bingo, oh, dans les caisses de l'État. Voilà. Ah oui, et il faut qu'on renfoue le budget. Hein. T'as vu le trou? Quand les ministres pourront compter, nous on arrêtera de faire des contrôles. Hein. Ça, c'est un truc. Alors, ici je vois ici le E411 Bruxelles-Namur, direction de Luxembourg. Un camion en panne qui nique tout le monde et bloque toute une bande près de la sortie, donc le passage est difficile et on a un message de la dépannage qui dit je peux pas venir avant demain matin. Matin ou midi. C'est donc vrai? Oui, c'est pas une blague. Donc le dépannage se fera que demain. Je vois ici sur le Mons, autoroute N90, Mons, Charleroi Namur, Liège à Auvelet. Un accident. Auvelet, c'est près de Namur. Ah d'accord, merci. Merci. Tu es très gentil. Eh ben tu sais quoi, à partir de maintenant, tu es ma officielle assistante. Oula, Audrey, c'est l'officielle assistante. Yeah, alors baby. À partir de maintenant, tu viendras avec un petit jupe à paillettes, hein, comme les magiciens. Tu regardes sur internet et tu viens comme ça. D'accord. Il y a un accident avec plusieurs véhicules impliqués. C'est le bordel aussi. Faites attention. Et bah du coup, si vous avez des infos là sur le trafic, vous m'envoyez un petit message pour prévenir tout le monde. 3044, c'est 50 centimes l'envoi. Pareil, hein, si vous avez un souvenir d'école, allez-y, venez le balancer. On me dit moi, ce que j'avais kiffé, c'était les classes de neige. C'était vraiment trop cool. Moi, je me suis pris 3 jours de renvoi lors de mon voyage à Paris. Eh ben c'est cool les gars, vous êtes au top. Allez, 3044 pour vos messages et là c'est le son de Galantis qui arrive. même se passe bien d'être de l'autre côté de la radio. Merci de nous avoir choisis. On termine l'après-midi ensemble en mode happy hour jusqu'à 20h. Moi c'est Audrey, il y a toute l'équipe qui est là. Fab, présent. Sandro, hey. Kéké et Alison au standard. Oui. Et la suite du son dance floor, c'est avec The Weeknd que ça se passe. Il y aura aussi du Félix Jane dans un instant. Et on a José Roisé qui est là, qui vient de Bruxelles. Bonjour José, ça va? Hola. Oui, ça va très bien et vous? Bonjour André, bonjour l'équipe. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu fais de beau, José? Je me suis arrêté un peu, je me suis mis sur les côtés. Vu que moi je suis routier, donc je me suis mis à côté pour un peu raconter une petite histoire. Allez, mais cool. Et José, justement, on parle des souvenirs d'école, les trucs qui nous ont marqués quand on était petits. Attends deux secondes, excuse-moi José, mais du coup, il y a Rosé qui est là, elle est obligée de nous mettre une musique pareille, c'est ça? Bah, on se met dans l'ambiance. C'est caliente, caliente. Il est chaud. Mais la question, est-ce que c'est toi aussi, toi es chaud, José? Bah écoute, ça dépend pourquoi. Changeons de conversation sur le sujet. Bon, mon rosé, j'ai l'impression que j'ai en train de boire un verre, tu vois. Genre, allez, santé. Un verre de rosé ici. C'est quoi le truc qui t'a marqué quand t'étais à l'école? Je sais pas, la sortie que t'as kiffé grave. Bah, la sortie que j'ai kiffé grave quand j'étais à l'école, c'était il y a quelques années. On était parti en classe verte à Blankenberg. On était parti à Blankenberg. On jouait à un jeu qui s'appelait La chasse au trésor. Moi, on m'avait mis dans une équipe de filles, donc tu vois le truc. Voilà. Et puis les filles n'étaient pas très efficaces pour les recherches. Et puis il y avait un moment donné, j'en avais marre de jouer avec elles. Et puis voilà, j'ai décidé de commencer à aller faire des croche-pieds pendant qu'on faisait nos recherches. Mais dis, mais t'es très sympa, toi. Ouais, mais du coup, ça devenait vachement plus marrant. Ouais, voilà, ça devenait vachement plus marrant, sauf à la fin, quand j'ai fait un croche-pied à une fille de ma classe, et malheureusement, la fille, elle s'est pris les dents, bam, sur le sol, et elle s'est cassée une dent. Du coup, maintenant, elle porte un dentier. Non, mais c'est ça, quoi. Tout va bien. Mais t'es vraiment un délinquant. Voilà. Moi, j'étais super mal pour la fille, mais en même temps, ça m'a bien fait marrer. J'étais mal, mais je riais, quoi. Sur le moment, j'étais jeune. Dis-toi que de toute façon, il y a pire dans la vie, parce que moi, vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai coupé l'oreille de quelqu'un. Hein? De quoi? J'ai coupé un bout d'oreille. Tu l'as encore quoi? Ou pas? Je te jure, il y avait une fille que j'aimais vraiment pas dans ma classe quand j'étais petite, et elle m'énervait, je lui ai coupé un bout d'oreille. Mais toi, t'es un danger. Mais j'avais 3 ans. Déjà, 3 ans, t'étais une psychopathe. Mais la question, est-ce que tu l'as encore, Laurie, dans un petit bocal? Ouais, ou dans pas un petit pot sur ma cheminée. Ah, bah ça va, ça me rassure. Ah, mon José, merci beaucoup d'être passé à l'antenne, ça me rassure. Je me dis que toi aussi, t'es un petit délinquant. Derrière, bonne continuation à vous. Et bon courage sur la route, hein, José. La suite du son dance floor maintenant, c'est avec The Weeknd et les Daft Punk. Arrêtez de me regarder comme j'ai ça, comme peur. Si j'étais une psychopathe. Fais gaffe à tes oreilles, enfin. Bon, allez, quoi, vous aussi, vous avez déjà fait des conneries de l'autre côté de la radio à l'école. 30-44 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi. On vous lit juste après The Weeknd sur Fun. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. If I kill any pain, look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. Kill any pain. mansion on the floor, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Continue sur Fun Radio avec Félix Jane, Bonfire. Il y aura aussi Jason Derulo dans un instant. Et puis, je sais que vous le kiffez, le tout nouveau Kongs qui arrive. Ce sera juste après l'horoscope sur Fun. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et je vais vous dire aussi comment faire pour repartir avec un overboard. Ah, c'est intéressant, ça dit. Ouais, bah, on dira après l'horoscope. On va vous dire justement avant ça, si il serait peut-être pas temps de vous inscrire sur un site de rencontre. Peut-être que vous galérez un petit peu pour trouver l'amour. Et bah, justement, l'horoscope va répondre à toutes ces questions. Les béliers. Vous avez décidé de vous inscrire sur adopteunmec.com. Mauvaise idée, déjà tout petit à l'orphelinat, personne ne voulait vous adopter. En fait, c'est triste à mort. Les taureaux. Si vous voulez du résultat, essayez inshallah.com. Il y a une place à prendre avec tous les mecs qui sont sautés pour le moment. Les Gémeaux. Laissez tomber les sites de rencontres. De toute façon, vous n'avez pas internet dans votre cellule. Les Cancers. Vous devriez vous inscrire sur Mythic. Par contre, si vous voulez des résultats, évitez de mettre une photo de profil. Il y en a plein qui font ça. Hein. Ouais, je sais. Qui trichent et tout. Mais ouais, c'est dégueulasse. Les Lions. Avec tous les kilomètres que vous avez au compteur, c'est pas sur un site de rencontre que vous devez vous inscrire, mais sur secondemain.be. Les Balances. Vous savez que les sites sur lesquels vous êtes repris, ça porte un nom spécial. On n'appelle pas ça un site de rencontre, mais ça s'appelle les fichiers de la police. Vierge. À votre place, j'éviterai les sites de rencontre. Enfin, je dis ça, vous faites ce que vous voulez. Après tout, c'est pas moi qui paye déjà 4 pensions alimentaires. Scorpion. Vous ne trouverez jamais l'homme de vos rêves sur un site de rencontre. L'homme de vos rêves sait qu'il est canon. Et à moins qu'il ait le même accident de voiture que Ribéry, il s'intéressera jamais à vous. Les Sagittaires. Laissez tomber les sites de rencontre quand on est aussi désespéré que vous. La seule solution, ça reste les demandeurs d'asile. Capricorne. Votre cas est désespéré. On oublie les sites de rencontre. Allez sur le site de la SPA. Adoptez un chat et mourrez toute seule comme une vieille fille que vous êtes. Verseau. Laissez tomber les sites. Continuez d'aller à l'église toutes les semaines. Vous allez rencontrer l'amour. Il a des sandales, une toge et un gros cierge. Et il va vous dire: psst, petit, tu veux voir le corps du Christ? Oh. On termine avec les Poissons. Vous devriez vous inscrire sur tous les sites de rencontre du monde. Mieux vaut mettre toutes les chances de votre côté. Vous êtes roux. Oh non. Moi je kiffe les roux. Bon, avant de vous expliquer non, on se fait quoi là, Félix Jane? Voilà, exactement. Ouais, vas-y, balance Félix Jane. Et puis je vous rappelle qu'on vous file un overboard cette semaine. Ça vous dit de le choper? Bah allez-y. Vous envoyez maintenant Fun, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti. Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez 2 jeans pour seulement... bam, 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, car cette offre se termine déjà demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Mais avance. Allô. Bonjour monsieur, j'appelle du futur pour vous dire merci de trier vos bouteilles en plastique tous les jours. Ouais, alors? Eh ben on fait des trucs incroyables en 2130, grâce au recyclage des bouteilles en plastique. Et c'est vous qui nous avez montré l'exemple. Ouais, et il y aura plus de bouchons en 2130? Ah bah si, hier j'ai mis 6 heures pour rentrer chez moi, de plus tôt. De quoi? D'où vous avez dit là? Allô. Curieux?

too strong. So bring it up when you're mad. C'est la Power sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h avec le son de Jason Derulo qui arrive, c'est Kiss the Sky. Mais d'abord, c'est nouveau dans la Power, c'est le cocu ou pas cocu, c'est parti. Chérie, je n'aime que toi, Nutella. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on va voir dans le cocu pas cocu sur Fun. Bon, allez, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez, le cocu ou pas cocu. Le concept, il n'est pas très compliqué. En gros, on s'est inventé un détective privé, c'est Fab. Moi, présent. Fab qui se fait passer pour un vrai professional. Et on teste la fidélité des hommes et des femmes. Peu importe, quelqu'un dans votre entourage, votre copain, votre copine, votre grand-mère, ça peut aussi. On est là. Franchement, si vous avez un doute à un moment donné, il faut venir poser la question à l'équipe de la Power. Vous venez sur ma page Facebook Audrey et après, nous, on s'occupe de tout. Et c'est justement ce qu'il a fait Pierre, qui vient de la Louvière. Pierre, il a des doutes sur son amoureuse. Bonjour Pierre. Salut. Ça va Pierre? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu crois que tu vas faire des phrases plus longues ou tu vas faire des trucs très courts comme ça? On verra. Il transpire la joie de vivre. Écoute, le monsieur, Pierre, il n'a pas l'air heureux. Il est tendu, Pierre. Il a des doutes sur son amoureuse. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer aux auditeurs ce que tu m'as envoyé sur ma page Facebook Audrey, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe avec ton amoureuse? Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'on devait passer un week-end ensemble. Et en dernière minute, elle a annulé. Elle disait qu'elle était censée aller chez sa sœur. Et pour finir, je suis passé devant chez sa sœur, comme elle n'habite pas si loin que ça de chez moi. Et j'ai pas vu la voiture de ma copine. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, de savoir si elle était vraiment... franche ou pas, quoi. Ah ouais. Voilà, j'ai des doutes, quoi. Mais quoi, mais genre, t'es passé devant chez elle, mais ça se trouve, elles étaient parties faire un tour, toutes les deux, non? Tu crois pas? Ouais, non, bien sûr. Quand on se pose des questions, généralement, on a quand même envie d'aller au bout du doute. Et je suis passé plus d'une fois, quoi. Donc, ah ouais, d'accord. Genre, le mec, en fait, il a fait des allers-retours. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Elle a pas de sœur. Non. T'imagines, ça serait encore pire. Donc t'es passé devant chez la sœur, elle était pas là. Alors ce qu'on va faire Pierre, c'est qu'on va appeler ton amoureuse. On va lui dire qu'elle a un détective privé sur le dos et qu'on a des infos sur ce qu'elle a fait ce week-end. Et on verra si oui ou non t'es cocu. D'accord mon Pierre, on fait comme ça. Ah bah tu bouges pas, on va écouter le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio. Et puis juste après, on appelle l'amoureuse de Pierre. I say, 'cause I. Fun Radio. Maintenant, chez Ici par XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. C'est le cocu ou pas cocu qui arrive dans la Happy Hour dans un instant. Côté son dance floor, on va se faire Cheat Codes, il y aura du Rihanna et puis Kungs. Tout ça, c'est ce qui arrive après les infos de Carlo. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Bon, on va commencer avec des cocus, hein, les 3150 personnes qui vont perdre leur boulot chez ING. Je vous en parlais à 17h. Donc la banque néerlandaise va supprimer beaucoup d'emplois dans les 5 années qui viennent et fermer 600 agences. Un nouveau coup dur donc pour l'emploi en Belgique, hein, après le choc de Caterpillar il y a un mois. Plusieurs pays sont concernés par le vaste plan de restructuration envisagé, avec quelques 7000 emplois en moins. Mais c'est le nôtre qui va morfler le plus, hein, du côté de nos dirigeants. Ben, on veut faire comme il y a un mois avec Caterpillar, clamer haut et fort que c'est scandaleux, qu'on n'a pas à virer des gens quand on fait des profits, vu qu'ING est bénéficiaire, hein, qu'il faut respecter les travailleurs, tout ça, tout ça. Mais ça ne va absolument rien changer du tout. Parmi ceux qui se sont exprimés là-dessus, nous avons la revenante Joëlle Miliquet sur les ondes du service public ce matin. Elle a parlé de nouvelles horribles évoquant les conséquences de la numérisation dans les services. ING a d'ailleurs annoncé des investissements dans cette plateforme numérique, histoire de faire des économies et de faire plaisir aux actionnaires qui, eux, ont évidemment le sourire aux lèvres. La numérisation, ben, je vous rappelle qu'au début de l'année, un très sérieux rapport faisait état de 5 millions de pertes d'emplois en 5 ans dans les principales économies mondiales. Donc, je ne sais pas, mais plutôt que de fustiger les entreprises qui licencient ou le cynisme des actionnaires, ben, peut-être que nos dirigeants envisagent plutôt un monde où on se passera de plus en plus de main d'œuvre humaine, un monde où on ne cherchera plus à culpabiliser ces soi-disant feignants de chômeurs, mais où les machines et les ordinateurs ne travailleront que pour le bien de tous. Vaste chantier, évidemment. Il est tellement plus facile de gérer des choses à la petite semaine. Pour en revenir à ING, le groupe est donc bénéficiaire, on n'en dira pas autant, de la Deutsche Bank, hein, carrément au bord de la faillite, qui va devoir aussi supprimer des milliers d'emplois, mais pour des raisons très différentes, hein, alors quel est le problème de la célèbre banque allemande? Mais en gros, de n'avoir pas retenu la leçon de la crise de 2008 et d'avoir donc poursuivi une politique de spéculation risquée, en se disant que de toute façon, si ça se passe mal, bah, il y aura toujours l'État pour voler à son secours, hein, pas question de laisser une banque systémique tellement importante se casser la gueule. Et de fait, la chancelière allemande, hein, Merkel a beau avoir dit qu'il n'était pas question d'aider la Deutsche Bank, on voit mal comment le gouvernement pourrait la laisser tomber. Et tant pis pour les 9000 personnes qui vont perdre leur job dans le monde d'ici 2020. Allez, on termine avec un sujet nettement plus léger et du football, avec la 9e journée de championnat issue de laquelle Zulte Waregem n'a plus que 2 points d'avance sur Anderlecht. Le Sporting de Charleroi et le Standard y sont pour quelque chose, hein. Les Zèbres en allant faire match nul, un partout chez le leader. Et les Liégeois en s'inclinant 0-1 face au Mauve. Le Standard qui reste malgré tout dans le top 6 à la 5e place, tout juste derrière Charleroi. Enfin, pour ce qui est du derby wallon de bas de tableau entre Penn et Moucron, il a été très nettement favorable au club ennuyé qui s'est imposé 1-4. Moucron remonte ainsi à la 12e place. Eupen est avant-dernier. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Juste avant de se faire le cocu ou pas cocu, là sur Fun Radio, on part du côté de la météo. Comment il va faire demain, Carlo? Écoute, demain, normalement, il devrait faire assez beau, et mercredi aussi, entre 14 et 18 degrés, et pas mal de soleil. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey le son de... Cheat Codes. Ouais, Cheat Codes et Dante Klein. Voilà, un truc du genre. Il pouvait pas s'appeler Robert et John, non? Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. For the longest time we jamming at the party. And you're whipping on beat. Pushing everything on me. We got Salento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, whip all around me. You got me going crazy, yo. Turn me on. Turn me. tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me jam you. La suite du son des Flores et avec Kungs, c'est bon ça. Don't you know, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. On va se faire un souvenir aussi avec Rihanna. Mais avant ça, c'est le cocu. Ou pas cocu. Pas cocu. Ah bah, c'est joli sur un cerf. Sur toi, ça va moyen quand même. C'est le cocu. Ou pas cocu. Dans la pierre. Ouais, si vous venez de nous rejoindre là dans l'émission, le concept il est simple. On teste la fidélité des gens maintenant. Si vous avez un doute sur votre copain, votre copine, eh ben rassurez-vous, maintenant l'équipe de la Piawar est là. On a un détective privé, en fait c'est Fab. Fab, c'est moi. Se fait passer justement pour quelqu'un qui a des infos. À la base, je suis un petit peu détective privé quand même. J'ai fait des études, pardon, machin, tout. Mais non, je déconne. Ah, okay, j'ai rien de détective. Ils inventent encore comme une ville, le mytho. Bon, on avait Pierre qui était à l'antenne parce que Pierre a des doutes sur son amoureuse. Pierre, t'es toujours là? Ouais. Alors Pierre, je rappelle vite pour les auditeurs qui viennent peut-être de se brancher, tu devais passer un week-end en amoureux avec ta chérie. Au final, elle a annulé au dernier moment. Elle t'a dit exact. Que sa sœur était pas bien, machin, et que donc elle passait le week-end chez elle. Sauf que t'es passé devant chez la sœur plusieurs fois et la voiture n'était pas là, elle était pas chez elle. Oh là là. Exact, c'est ça. Et donc voilà. Il y a de sérieux doutes. Est-ce que t'as d'autres trucs, d'autres dossiers qui font qu'à un moment donné t'as des doutes sur elle? Ben oui, quand même, ouais. Puisqu'il y a aussi des photos de soirée, donc. Ah, tu m'as pas dit ça. Ah mais ouais, soirée sans toi, sans rien, elle t'a pas prévenu. Ouais, voilà, non, pas prévenu du tout, juste parce qu'elle était chez ta sœur. Ah mais... non. T'as tous les éléments, mais mon avis, je crois que t'as déjà ta réponse. Mais si tu veux, je peux quand même poser la question. Non, c'est pas cool ça. Attends, c'est une peste. Oh non, ça non, on appelle ça une connasse. Oh bah Pierre, ça me fait mal au cœur. Bah tu sais quoi? Comment elle s'appelle ton amoureuse? C'est Marie, c'est ça? Marie. Bon, on va appeler Marie. Fab, tu lui fais croire que t'as des trucs. Ouais. Hein. Tu t'occupes de tout. Tu dis que tu l'as vu en week-end en boîte et tout. Tu oui. Donnes tout ce que t'as et on va voir Marie, Pierre. C'est comme toutes les mêmes. Tu restes à l'écoute en cachette de l'autre côté de la radio en et cachette. Tu lui diras. Bon, on l'entend pas quoi. Mais c'est vrai. Et tais-toi. Ça sonne. Ça sonne. Attendez. Sois bon. Pardon. Allô. Marie. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour Marie. Je t'appelle parce que voilà, je suis détective privé. Je suis un ami de Pierre qui m'a demandé d'enquêter sur toi. Et de mener ma petite enquête. Pardon? Alors, je répète, je suis détective privé. Non, c'est pas la peine de répéter, mais détective privé, ça n'existe pas. Ah, si, crois-moi, ça existe. C'est ce que je fais, c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie. Pas très bien, et c'est pour ça que j'ai un petit deal à te proposer. Alors, je sais que ce week-end, tu devais aller chez ta sœur. Tu as fait croire ça à ton petit ami. En tout cas, tu n'étais pas chez ta sœur puisque j'ai des photos de toi en boîte où tu danses et où tu t'éclates. Donc j'ai mis tout ça dans un joli petit dossier que je compte remettre à ton petit copain. Sauf si tu me proposes autre chose, par exemple une belle petite enveloppe pour ne pas que je lui donne ce dossier. Et puis voilà, tout le monde est content. Toi, tu continues à faire des folies de ton côté. Et puis lui mais ne sait pas que tu fais des folies. C'est hallucinant. C'est quoi ce délire? C'est une blague? Non, pas du tout. Écoute, tu lui as bien fait croire que tu étais chez ta sœur ce week-end. Or que toi et moi, on sait bien que tu n'y étais pas. J'ai des photos qui le prouvent. Mais d'où vous savez un truc pareil? Ça sort d'où? C'est une blague? Alors je te dis, j'ai des photos qui le prouvent. C'est mon métier, je suis détective privé, même si tu ne le crois pas. Donc ça fait partie de mon job. Moi, je te suis depuis quelques jours et je sais que tu n'étais pas chez ta sœur. Madame fait la fête en boîte de nuit, sans son copain. Ah oui. t'inquiète pas, hein, c'est un truc qui peut vite s'arranger entre toi et moi. Hein, disons que voilà, pour 500 euros, moi je détruis toutes les photos, je lui dis que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci et que tout continue pour toi. Hein. À toi de choisir. Mais rien du tout, je vois pas où est le problème. Je suis sortie en boîte, j'ai rien fait, c'est pas comme si j'avais dragué. Quand tu lui dis que tu ne sors pas et que tu vas chez ta sœur, ça s'appelle un mensonge. Donc lui a des doutes. Et si tu lui mens pour aller en boîte, c'est que toi, t'as pas la conscience tranquille non plus. Si je suis sortie juste pour m'amuser, etc., je vois pas où est le problème. Et puis, lui dire que voilà, j'étais avec ma sœur, c'est pour pas qu'il fasse une histoire. Parce que bon, lui, il est à fond dedans, voilà. Oui, donc c'est pas réciproque alors. C'est pas ça, c'est juste que bon, voilà, on s'est mis ensemble sur un coup de tête, enfin, c'est allé super vite, et lui, il est là déjà, il est déjà en train de s'emballer, la preuve, il est en train d'appeler, je sais pas quel détective privé, machin, là, il est en train Attends. De s'emballer, enfin, je sais pas. Excuse-moi, tu permets deux secondes, j'ai un double appel, ne quitte pas. Vas-y, raccroche, attends, c'est une vanne, ah, c'est une blague. Donc elle s'en fout. Attends, mais mettez-la juste en pause. C'est donc la meuf, elle dit qu'elle en a rien à foutre. C'est ce que j'ai compris. Oui, il a entendu le monsieur. Attends, Pierre, ah oui, t'es là. Ouais. Pierre, t'as entendu ce qu'elle a répété, la Marie à l'antenne? Oh, j'ai bien entendu, ouais. Écoute, attends, ce que je te propose, je m'attendais pas à ce que la meuf elle soit aussi cruelle en fait. Pierre, ce qu'on va faire, parce que là elle sait pas qu'elle était en direct à la radio, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le son de Rihanna et Kongs, parce que je suis obligée de passer de la musique. Juste après, par contre, on la rappelle, mais c'est toi qui lui annonce qu'elle s'est fait piéger, d'accord? On fait comme ça, okay, comme ça. T'as une petite vengeance, Pierre, quand même, à l'antenne de Fun Radio, d'accord mon chéri? Et il a l'air tout déçu. Pierre, ne bouge pas, t'as le temps de penser à tout ce que tu veux lui dire de méchant. On se fait ça juste après le son de Rihanna, bougez pas. New replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I'm the girl when they dance for wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I'm the girl when they dance for wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? It goes one by one, even two by two. Everybody in the floor, let me show you how we do. Let's go. Dip it low, then you bring it up slow. Wind it up one time, wind it back once more. Come run, run, run, run. Everybody move. Move and rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. Run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come. Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I'm the girl when they dance for wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, some funny replay. Run through your sneakers, move both your feet and run to the beat. Run, run, run, run, run, everybody move. Run, let me see you move. Run, rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. Run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you. sur Fun Radio, le son dance floor. Ce qui arrive, c'est du Ken Jones côté son dance floor. Don't mind. Il y aura aussi une nouveauté dans un instant, mais comme je sais pas comment on le dit, bah je le dirai pas. Mais fais un effort. Attends, c'est. Eh ben je sais pas, hein, c'est AMT. On le dit comme ça, tu vois. Bah bravo. Non, mais c'est con, hein. Faut le dire à l'américaine au moins. AMT. Hey, AMT. AMT. Yeah, motherfucker. C'est tout nouveau, ça arrive sur Fun Radio. Call your name. Bah vous savez quoi, je vais le découvrir en même temps que vous à l'antenne de Fun. Je l'ai jamais entendu. Donc, ah, tu l'as jamais entendu? Ah, bah c'est une toute première dans la PIWAR en tout cas. Donc, on va découvrir ça en même temps que vous. Dans un instant, on va ici rappeler Marie, là, si vous venez de débarquer. Marie, qui a été piégée par son amoureux, il avait un doute sur sa fidélité. Et ben il avait raison, puisque visiblement, bah, il est cocu. Elle s'en fout de sa gueule. Voilà, sauf que, bah, évidemment, Marie, elle savait pas que son mec était là, en train d'écouter tout ce qu'elle racontait. Donc, on va la rappeler et on va lui dire qu'elle a été piégée à l'antenne de Fun Radio. Je vous rappelle aussi qu'on a du beau cadeau pour vous. On vous file un overboard toute cette semaine. Enfin, on en a plusieurs, hein, pour chaque jour, rassurez-vous. Si vous voulez repartir avec ce chouette cadeau, vous vous inscrivez maintenant. Vous envoyez Fun, F-U-N, par SMS au 6322. On se fait le tirage au sort avant 19h. C'est promis, bonne chance tout le monde. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je fais des blind tests par téléphone. Est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît? Je vous ai pas compris. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a Nagui qui parle fort derrière et il faudrait baisser un peu le son. Comment? Vous êtes bien équipé en matériel audio, c'est quoi? Du Thomson? Du Glocom. Est-ce que vous avez du Thomson? Non, je n'ai pas de Glocom, non. Allez, bon appétit, va. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio.

Sur toi, ça va moyen quand même. C'est le cocu ou pas cocu dans la pierre. Mais sérieusement, c'est quoi leur nouveau délire là aux artistes Dancefloor? Mais ils font simple, ils font simple. AMD, MHD, Ameno. Tu les appelles, ils sont là. AMD, comment tu fais? Bientôt on aura un artiste et c'est le prochain titre de T que je vous passe maintenant. Je te jure, bientôt il n'y aura plus qu'une lettre, déconne pas. Vas-y, dis-le AMD vite fait, comme ça pour AMT. Voir si tu. AMD. Ok, ça va, il y a moi qui bug. EMT, motherfucker, right now on Fun Radio. Yeah, this is DJ Funky Fab here. Bon, et tu sais quoi, Sandro, tu peux. Il est en train de péter un câble, les gars. T'aurais pu laisser la musique. Amen, parce que là, il y a un moment triste qui va se passer à l'antenne. Si vous venez de nous rejoindre dans le cocu ou pas cocu, on a Pierre qui est là. Pierre, tu es toujours là, j'espère. Ouais. Bon, Pierre. Je rappelle vite aux auditeurs que t'as appris à l'antenne, en tout cas t'as eu la confirmation que oui, tu étais cocu. Ta copine devait passer un petit week-end avec toi, au final elle a annulé au dernier moment, elle t'a dit qu'elle allait chez sa sœur. T'es passé devant chez la sœur, il n'y avait pas la voiture. Donc tu nous as demandé de la tester, ce qu'on a fait avec Fab, qui s'est fait passer pour un détective privé. La meuf, elle a carrément dit à l'antenne qu'elle en avait rien à foutre de ta gueule, en gros. Hein, c'est gentil de lui rappeler quand même, mais il est déjà pas assez mal comme ça. Et bah, c'est pas tu ça. Lui rappelles. En gros, elle a dit ces mots, c'est qu'elle s'en fout. Oui. La musique en plus, c'est top. Hein. Ah, mais attends, mais c'est parce que c'est pour les auditeurs qui rejoignent. Moi, je suis obligée de répéter, tu vois. Oh là là, Pierre, mon Dieu, comment c'est possible de faire du mal à un homme comme toi, Pierre? Pierre, avec cette jolie voix, Pierre, avec ce beau sourire. Pierre, t'as l'air d'être un garçon bien. Et cette connasse de Marie, elle se fout de ta gueule, quoi. Ça, c'est pas cool, hein. Bon, du coup, tu vas pouvoir avoir ta petite vengeance maintenant à l'antenne de Fun Radio. On va rappeler Marie, d'accord? Et puis, quand ça décroche, on lui dit pas tout de suite qu'elle a la radio, hein. Mais tu vas-y, hein. Tu lui dis ce que tu penses d'elle et tu lui dis que t'as tout entendu. D'accord? Ouais, je m'en occupe. Vas-y, mon Pierre, c'est à toi. Venge-toi seulement. Rentre-lui dedans, vas-y. Bah là, à distance, ça va être difficile. Ok, c'est bon. Attends, Allô? Allô? Marie? Pierre? Ouais? C'est une blague? Ben non. Attends, tu m'as fait quoi là, je peux savoir? Ben écoute, j'avais bien raison d'avoir des doutes, étant donné qu'au final, ben, je pense que tu t'es bien foutu de ma gueule. Des doutes de quoi? C'est bon, je suis sortie avec des amis, c'est pas comme si... Je t'avais trompé dans ton dos non plus, hein. Faut pas non plus exagérer. T'es vraiment un malade. Ouais, mais la base dans un couple, c'est quand même la franchise, non? Je savais très bien que si je te disais que j'allais sortir avec des amis plutôt que si j'allais chez ma sœur, là, t'allais me faire une crise, là, en mode, je suis ta mère, t'étais où, avec qui, c'est genre, bon, hein. J'allais te faire une crise. Je t'ai déjà fait des crises, bien peut-être. Bien sûr que t'allais me faire une crise. Bon, rien à voir. Mais par contre, j'ai autre chose à t'annoncer. Quoi? Ben, le fait que je sois cocu. Hein? Oui. Le fait que je sois cocu. Le fait que tu t'es bien foutu de ma gueule. Pardon, non? Si, tu t'es bien foutu de ma gueule. Et sache une chose, c'est qu'il n'y a pas que moi qui sais que tu t'es bien foutu de ma gueule. Ce qu'il y a une bonne partie de la Belgique qui est au courant, étant donné que t'es à la radio. Marie, je me présente, je m'appelle Audrey, je suis animatrice sur Fun Radio dans la Piawar avec toute mon équipe. Regarde, on est plusieurs, hein, Fab. Moi, c'est le détective privé. Il y a Sandro. Bonjour. Il y a Kiki et Alison, oui, au standard aussi. Coucou. Marie, t'as été piégée par ton amoureux. Enfin, ton ex. D'accord. On va l'appeler comme ouais, ça maintenant. C'est un truc de dingue. Ah bah ça, comment te dire? On ne s'attendait pas à ce que tu dises à l'antenne que t'en avais rien à foutre de la gueule de Pierre. Toutes les maris, c'est pareil. Regarde la meuf de Joseph, là, mon Jésus, elle s'est réveillée un matin, elle fait je suis enceinte, je sais pas qui c'est qui m'a fait. Si vous êtes des rares, bah, des maris, couche-toi là. Blague à part. Non, mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il fallait vraiment en arriver aussi loin devant toute la Belgique, toute la radio, tous ceux qui écoutent la radio, pour prouver, je sais pas, une chose à la con, juste que je suis sortie avec mes amis, quoi. Bah non, mais attends. Je rends service au prochain, je pense. Moi, je vais rendre un service aux prochaines. Les filles, surtout, vous approchez pas de lui parce que il va vous stalker. C'est le mec, il veut savoir tes appels, tes Snapchat, tes messages sur Facebook, toutes tes publications. Il veut absolument avoir le numéro de ton compte, ton phone, ah ouais, etc. Quand même. Il veut tout savoir. Hein. Ah ouais. Il est là en mode, tu peux rien me cacher, machin. Mais c'est normal, quand on aime, on ne cache rien. Tu peux pas avoir ton intimité, hein. Non mais attends Marie, on est d'accord que même si, allez admettons Pierre, c'était pas celui qui te fallait et qui te correspondait pas, fallait pas se foutre de sa gueule quand même Marie, fallait le quitter alors. Mais pourquoi tu lui mens? Pourquoi tu lui as dit que t'étais chez ta sœur?

There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, we will be the ones that hold the highest truth. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. C'était le nouveau Feder sur Fun Radio. Et la suite du son, c'est avec Martin Garrix que ça se passe. Il y a aussi du Craig David de Vixie qui est là. Pourquoi tu rigoles? Non, je vous expliquerai après. Je ne peux pas expliquer aux auditeurs. Si tu veux, moi je peux expliquer. Non, d'abord on va accueillir Pierre. On va reprendre Pierre. Parce que le pauvre, il est là depuis une demi-heure dans l'émission. Pierre qui a entendu à l'antenne son amoureuse dire qu'elle en avait rien à foutre de sa gueule. Dans le cocu ou pas cocu. Alors Pierre, on a reçu plein de messages pour toi. Parce que j'ai demandé l'avis des auditeurs. Est-ce que oui ou non tu dois te remettre avec? Est-ce que oui ou non tu dois essayer de sauver le bazar? Je peux te dire que non. Majoritairement, c'est ce qui ressort. Les messages qui sont arrivés sont pas tendres avec ton ex-mari. Enfin, je dis ex, mais au final, qu'est-ce que tu comptes faire, Pierre? Bah, je pense que la décision est très claire. Quand on entend comme ça, oralement, le fait qu'elle n'en a rien à foutre et que voilà, c'était bien voulu le fait qu'elle me mène en bateau dans le sens où elle allait chez sa sœur et qu'en fait elle sortait, je me dis ça va être un mensonge, puis ouais, un autre. Et, si elle est capable de te mentir comme ça après si peu de temps, ça pue pour le reste quand même. Faut se méfier un peu. C'est clairement ça, donc autant y mettre fin tout un de terme. Suite. Et, d'accord. Ouais, attends. Bon. Bon et bien, c'est la même lettre. Bon, et là. Ça, c'est la parole. Et ça, c'est beau ça. Bon, on applaudit Pierre pour son courage quand même. Bravo. Bravo Pierre. On est fiers de toi. T'inquiète pas que tu retrouveras une autre fille beaucoup plus sympa et qui sera attachée à toi, moi j'en suis sûre. On peut te donner Alison si oui, tu veux. Ah bah oui. Alison, si tu veux, elle est libre. D'ailleurs, j'ai du dossier sur Alison. Je vous explique pourquoi j'étais un peu mort de rire il y a un instant sur Fun. Pierre, je te fais des gros bisous. Hein. Tu reviens quand tu veux. Mais reste que ça à l'écoute, se passe hein. bien pour toi, mais reste quand même à l'écoute. Il faut quand même qu'on en parle deux secondes, mais. Alors, Alison. Alison, c'est la demoiselle qui est au standard. Oui. Hein? Voilà, le numéro du standard 02 851 4x0. La meuf, elle est au bout de sa vie. Tu vois, je lui pose une question. Oh, écoute, tu me fais chier avec tes questions. Tu m'emmerdes, il est 02 851 4x0. D'accord, maintenant tu m'emmerdes pas. Bon, et quand même, Alison, elle nous a expliqué que ce week-end, elle avait remis en couleur sa chambre. Ouais. Alors, jusque-là, vous allez dire, c'est cool, c'est une manuelle, elle se débrouille, pas besoin de mec pour ça, c'est une vraie femme, quoi. Sauf qu'après, elle me dit, ouais, parce qu'avant, moi, ma chambre était dans les couleurs d'un corbillard. Ah ouais, c'est ça. C'est l'intérieur d'un corbillard parce qu'elle aimait bien la mort. C'est à cause de l'odeur. Non, non. Mais non, c'est pas ça. J'ai envie de me faire sauter dans un corbillard. J'adore non, ça. C'est parce que j'étais fan d'un Marilyn Manson quand j'étais jeune. Mais d'accord. Tu me fais peur. La meuf, elle fait des hommages à l'automne. Elle vient habillée comme Robin des Bois et elle est fan de Marilyn Manson. Je n'ai rien fait. J'avais 16 ans. J'ai pas confiance. On fera un test pour voir si c'est encore le cas, oui ou non. Et tu as repeint ta chambre en quelle couleur? En blanc.

Happy Hour, la seule émission qu'on aime autant que le chocolat. Enfin, le chocolat, c'est peut-être un peu too much. La seule émission qu'on aime plus que les brocolis. Oh, ah voilà, ça c'est bien les brocolis. 17h à 20h sur Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the dark? In the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Bientôt 19h sur Fun Radio pour aller jusque-là. C'est Craig David et Sigala que je vous cale côté son dance floor dans moins de 2 minutes. Avant ça, on va savoir qui va repartir avec The Cadeau. C'est ce qu'on vous offre toute la semaine sur Fun. L'Overboard. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est cool ça, l'Overboard. C'est bien surtout, pour les fainéants. Non, ouais, c'est ça. Quand t'es un peu fainéant, tu vois, tu peux passer de ta chambre à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, sans bouger ton gros cul. Moi, je suis sûr que c'est ça qu'il avait Jésus, que tout le monde a cru qu'il a marché sur l'eau. Il ouais, c'était Moïse. Hein. Eh, c'est enfin, même pas drôle ta vanne, parce que imagine deux secondes le gars avec un Overboard dans l'eau. Non, mais là, tous les deux, vous dites des conneries. Attends, lui, dit que c'est Moïse, excusez-moi. C'est Moïse, hein. Mais non, non. Moïse, c'est celui, il a ouvert la mer en deux, crétin. Jésus, c'est celui, il marche sur l'eau. Franchement, excusez-moi. Au niveau histoire, dans cette équipe, on n'est pas au top. Hein. Quoi, des overboards, ça va pas dans l'eau, tu ça va pas dans l'eau, non. Ça fait plein de trucs, par contre. Vous pouvez aller, je sais pas, moi, chercher votre pain, aller chercher votre loto, j'en sais rien, moi. Sur l'overboard, tu vois. Et on a plein maintenant, hein. C'est ce truc à la mode. Moi, des fois, je vois des gens dans la rue, ils sont pas réveillés, tu vois, ils dorment. Et ils sont sur l'overboard, on dirait des zombies qui marchent comme ça en avant. aventure, mon boulot, mais énorme. Pour essayer de repartir avec ce cadeau, il faut s'inscrire. Ça compte pour toute la semaine. Donc allez-y, hein. Vous envoyez fun, FUN par SMS au 6322 pour 1€ le message. Mais sans blague, moi j'en ai croisé un dans la rue l'autre jour, mais genre il s'est pris pour une voiture, j'ai failli l'écraser. C'est vrai ? Ouais. Quoi, il roulait méga vite ? Parce que ça va vite quand même le ouais, board. Hein. Mais je veux dire, ça va vite, mais il était comme une voiture. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Ah, du vrai ? Ouais, non, pas sur l'autoroute, mais dans les rues de Bruxelles. Mais sur la route. Ça. Le mec a rien compris. C'est vrai que ça va tellement vite que c'est cool, quoi. T'as l'impression d'être à bord d'un scoot ou quoi, c'est génial. Bon, on a mis plein de numéros là en attente de l'autre côté de la radio. Alors, on va tirer au sort, on donne un chiffre entre 1 et 4. Fab, quelqu'un d'innocent. 2. La ligne 2, c'est parti. On fait sonner le deuxième numéro. Si ça décroche, à lui, l'overboard. Le cadeau que tout le monde veut. Si vous l'avez pas, vous êtes pas dans le coup, les gars. Ouais. Ouais. Qui a un overboard ici ? Moi. Ouais, Sandro. Mais c'est parce que je suis fainéant, désolé. Fab demande même pas. Mais non, alors moi je voulais en acheter un. Mais apparemment, c'est, ce truc, c'est limité à un certain poids. Ah, bah oui. Allô, allô, allô. Bonjour. Elle a raccroché, mais t'es con ! Arrête ! Allez, mais non, mais c'est vrai, il y a un poids limite et moi je suis du. Attends, la meuf, elle a cru que c'était une vanne. Mais arrêtez vos conneries. Je m'en fous. Non, je vois Fab en mettre sur le overboard et. Allez, 1502. Rappelle l'auditrice, la pauvre, elle a cru qu'on lui faisait une vanne. Attends, attends. Oh non, on peut pas les. Non, il faut la rappeler, il faut qu'elle décroche. Et taisez-vous maintenant, hein. Puis, je jure, il n'y a pas moyen de les avoir calmes, les deux là. Mais attention. Désolé. Eh, c'est bon, vous voulez la mettre à l'antenne ou pas ? Oui, oui, ça. Le standard plante en fait. Pour du vrai ou pas ? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une gagnante ? Non, non. D'accord, donc vous vous mettez vraiment dans la merde. C'est pas grave, on va écouter le son de Craig David et Sigala maintenant sur Fun. Bah, du coup, vous avez encore un petit peu de temps pour vous inscrire. Hein. Allez-y, vous envoyez Fun par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. When you're so in love, sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel used. It's like we're running on fumes. A little broken, confused. But one thing I know for sure, ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Ain't giving up. Ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur easyparixl.be. Il est 19h sur Fun Radio. On va essayer de rappeler quelqu'un là dans un instant qui va repartir avec son overboard. On a essayé, mais ça a planté. Problème technique. Donc rassurez-vous, on se fait ça juste après les infos de Carlo. Bonsoir Carlo. Salut Audrey. Salut à tous. L'info du jour, bah, c'est évidemment les milliers d'emplois qui vont sauter chez ING en Belgique. 3150 d'ici 2021 via des départs naturels, mais pas seulement. 1700 travailleurs seront licenciés alors que, rappelons-le, ING gagne de l'argent et donc bénéficiaire. Mais bon, le groupe néerlandais a la possibilité d'en gagner encore plus via la numérisation de ses services et c'est bien ce qu'il compte faire. Cela dit, les syndicats et le personnel sont évidemment en rogne contre la direction, hein, mais il faut quand même qu'ils sachent que Rick Vandenberg, le CEO d'ING en Belgique, a mal dormi ces derniers jours. Et oui, on peut plonger des milliers de familles dans la détresse, on n'en reste pas moins humain. Plus sérieusement, les syndicats d'ING sont donc très remontés, on le serait à moins. Ils dénoncent notamment l'absence de concertation et des actions seront menées vendredi en front commun avec une grève. Sinon, dans l'ensemble, ce sont 7000 emplois qui seront supprimés chez ING, dont près de la moitié en Belgique. Donc, la Deutsche Bank, elle, va virer 9000 personnes dans le monde, mais pas pour les mêmes raisons, hein, la Deutsche Bank ayant, elle, de gros problèmes d'argent. La saison des Nobel a débuté. Bon, on dit la saison, mais ça dure une grosse semaine, hein, et ça commence par le prix Nobel de médecine. Alors, en général, dans les Nobel scientifiques, on a tendance à récompenser plusieurs personnes, trois la plupart du temps. Ben là, il n'y a que le biologiste japonais Yoshinori Osumi qui a reçu la prestigieuse distinction pour ses recherches sur l'autophagie. Autophagie, ça veut dire se manger soi-même. On parle d'un mécanisme des cellules servant à éliminer les zones toxiques des cellules en question, voire à les tuer pour endiguer la progression d'une infection. Alors, il se passe des choses vraiment terribles dans notre corps. Au chapitre des catastrophes naturelles, nous avons Matthew, un ouragan très puissant qui se dirige très lentement vers Haïti et la Jamaïque, qui devrait atteindre en cours de journée avant d'aller souffler sur Cuba. Un ouragan classé en catégorie 4 sur les 5 que compte l'échelle de Saffir-Simpson. Et à propos de souffle, les habitants de Californie du Sud retiennent l'heure, vu qu'on a eu droit ces derniers jours à 200 petits tremblements de terre du côté de la célèbre faille de San Andreas. Et forcément, bah, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser au Big One, cet énorme séisme dont on sait qu'il finira par se produire dans la région. Notez qu'il est peu probable que ce soit pour bientôt, hein, selon l'agence de surveillance géologique américaine, les chances de voir se produire une secousse égale ou supérieure à 7 sur l'échelle de Richter dans les 7 prochains jours sont de 1 sur 100, ce qui n'est pas rien en fait. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. C'est votre dernière chance de pouvoir repartir avec votre overboard. L'objet que tout le monde veut, si ça vous dit, vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez FUN, F-U-N, par SMS au 6322. Pour 1€ le message, on écoute le son de Môme, on se fait la météo et juste après, on fait le tirage au sort, mon Carlo. Une journée relativement agréable demain avec nettement plus de soleil qu'aujourd'hui. Les températures près identiques, elles, c'est-à-dire comprises entre 14 et 18 degrés. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain matin à 5h30 et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Môme. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had this groove. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. The unknown. What is it you want to love? Suddenly sorry. Radio avec DJ Snake, le featuring avec Justin Bieber. Mais qu'est-ce que c'est romantique tout ça? Let me love you qui arrive sur Fun. Bah quoi? Let me love you. Ça veut dire quoi en français ça en fait? Laisse-moi t'aimer. Ah bah tu vois, c'est oui. romantique. Quelle belle parole. Mike Brandt l'avait fait, mais après ça s'est mal terminé. Non, alors Sandro arrête de rire. Oui. Non, parce que okay. Là il a fait une référence de vieux. T'as compris quelque chose? Oui, Mike Brandt. Alors c'était un chanteur. C'est quoi? C'est quoi? Mais moi après, j'ai pas compris ta blague. Mais non, Mike Brandt, c'est le vieux. Il était jeune à l'époque parce ouais. qu'il a pas eu le temps de devenir vieux, Mike Brandt. Mais ouais. il disait laisse-moi t'aimer. D'accord. Et après, laisse-moi t'aimer toute une nuit. Mais comme ça marchait pas, il a dit laisse-moi essayer d'apprendre à voler. Mais après, il a fait crack par terre. Il a fait quoi? Mais on connaît pas l'histoire de Mike Brandt. Il s'est jeté, hein. Il s'est suicidé. Mais toi, je vais te transférer chez Nostalgie. Hein, c'est pas possible. Mais il a jeté d'un immeuble. C'était ça. Il a vu petit oiseau. Tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Il avait pas d'aile. Boum, Mike Brandt est mort et voilà. D'accord. Et ben paix à son âme. Excusez-moi. C'était ça la vanne? Ouais, mais je sais pas, laisse tomber Sandro, Audrey, c'est un coup, truc de jeu. Je m'excuse d'avoir rigolé juste avant, désolé. Bah ouais, parce que Sandro il rigole en mode automatique, ouais, genre ah, qu'est-ce qu'il c'est est drôle. C'est bon d'avoir j'ai des potes solidaires quand même, merci. C'est par soutien, mais. Bon, les copains, on réessaye d'appeler là, du coup, l'auditrice qui est passée tout à l'heure. Et on lui fait la même blague. Bah non, si ça décroche, elle repart avec son overboard, mais il faut décrocher pour ça. Il fallait envoyer Fun, FUN, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Rassurez-vous, de toute façon, les messages que vous avez envoyés, ils comptent pour toute la semaine. Donc pas de panique pour les autres qui se sont inscrits aussi. Hein. Et si vous voulez, j'ai une petite histoire sur Mike Brandt. Non, ça ira, okay. Ouais, c'est bon. J'espère juste qu'elle va décrocher. Oh non, c'est une vanne. Allô. 19h09, on est en direct avec vous. Bienvenue. Oh non. Attends, je laisse un message quand même. Balti, Célia. Bonjour Célia. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Merci de votre appel. Célia, t'étais en direct sur Fun Radio, t'as joué pour repartir avec ton overboard, t'as pas décroché. C'est perdu! Tristesse! Célia, je suis désolée ma chérie, tu pourras retenter ta chance. Bah ouais, on essaye de l'appeler, elle décroche pas. Oui. Bah du coup, est-ce qu'on peut refaire un tirage au sort vite fait comme ça, on demande à l'ordinateur? Allez, c'est parti. C'est parti, on appelle chez un autre auditeur. Si ça décroche, cette fois-ci c'est pour lui, c'est gagné. On va y arriver quand même d'affiler cet overboard. Personne n'en veut ou quoi? Non, je pense que les auditeurs ils ont fui à cause de la vanne de Fab. Bah tu m'étonnes. Ok, c'est vraiment pas drôle, moi je me casse. Allô. Bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Marie, tu sais qui c'est là? Oui, c'est Fun Radio. Hey. T'as joué pour repartir avec ton overboard? Oui. Eh ben, c'est gagné. Bravo. Bravo, félicitations, tu repars avec le cadeau que tout le monde avait envie de choper aujourd'hui. Ça te fait plaisir? Ah, c'est super génial, ouais. Tu m'étonnes. C'est mon fils qui va être content. Ah bah voilà, j'allais dire, c'est pour qui? Ah bah cool, il a quel âge ton fils? Il s'appelle comment? Il s'appelle Andreas, il a 17 ans. Andreas, si, Ça. Tu vas pouvoir aller aux urgences avec lui quand il sera cassé la gueule. Bon, enfin. Éclatez-vous bien avec l'overboard, en tout cas, tu raccroches pas. On va reprendre tes coordonnées hors antenne, d'accord? Ok, super gentil, merci gros beaucoup bisous. Et merci à Fun Radio. Reste bien à l'écoute de la Piawar, je te fais des bisous. Si vous aussi vous voulez repartir avec ce chouette cadeau, eh ben rassurez-vous, on en aura pendant toute la semaine à vous filer chez moi entre 17h et 20h et puis chez Dylan aussi dans Fun Radio Connected à partir de 20h. Pour ça, il faut s'inscrire, vous envoyez maintenant Fun, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message. On fera des tirages au sort pendant toute la soirée sur Fun Radio. On va se faire les potins dans un instant. Et juste avant, c'est DJ Snake avec Justin Bieber qui débarque sur Fun. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Fun Radio, la suite du son, c'est avec Pitbull que ça se passe. C'est bon ça? Avec Florida, Lunch Money, bref, ils sont tous dessus. Il y aura aussi le tout nouveau Sound of Legends juste après les potins et les popotins. On s'assoit confortablement, on se relaxe et on ne pense plus à rien. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Et c'est avec Fab que ça se passe, le spécialiste des potins, celui qui suit les people, celui qui cite tout ce qui se passe dans le monde et puis hop, badaboum, il a les infos pour vous avant tout le monde. Bon alors, t'as l'info de quoi? Ah bah écoute, c'est pas d'un people qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'un truc que moi j'aime bien. Les tatouages. Les nains. Les tatouages. Oh, je pourrais me faire tatouer un nain, tiens. Il faut que je note ça pour plus tard. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Oui, les tatouages. Est-ce que tu te feras un tatouage, toi? Ah, j'aimerais bien. Mais ah ouais, toi, je suis sûr. Moi, c'est un désir inavoué. Pardon? J'adorerais, mais ça fait un peu cochon. Pourquoi c'est sexuel quand tu dis ça comme ça? Parce que justement, le tatouage que je voudrais faire, il est un peu space. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'avoir un tatouage dans le bas de laine, tu sais. Ah oui, un à la fois. Ouais. Ah, mais non. J'avais pas compris. Ou entre interdites. Non, mais tu sais, genre, il y en a, ils mettent des trucs d'extincteur ou des flammes. Ouais. Ah, je sais pas, un truc comme ça pour rigoler. Ah, tu te mettrais un extincteur vers la petite foufounette pour éteindre le feu avec le numéro des pompiers. Non, mais de toute façon, je le ferai jamais. C'est juste que parfois, c'est rigolo. Mais parce que j'ai peur des aiguilles de 1. Mais tu fermes les yeux. Non, mais tu sens l'aiguille quand même. Hein, quand tu vas. Attends, imagine le gars fait une prise de sang. Non, mais fermez les yeux, vous allez rien sentir. Tu sens l'aiguille quand même. Hein. Ah ouais. C'est combien d'aiguilles d'ailleurs? C'est plein d'aiguilles, non? C'est plusieurs. Non, des c'est fois une c'est seule. Une grosse, puis plusieurs fines. Ah, ça dépend. Non, mais c'est rien comme avec ça, les je mecs. Peux pas. Mais ouais. Oui, c'est comme avec les mecs. Non, je sais pas. J'aimerais bien me faire un tatouage, mais je crois que j'oserai jamais de ma vie. C'est vrai? Oh, tu devrais, ça t'irait bien. Mais par contre, moi j'ai une bonne nouvelle pour toutes les nanas et tous les mecs là qui veulent faire un tatouage mais qui sont en mode ah je sais pas quoi faire et tout ça. Il y a une initiative qui se fait à Londres. Bon alors c'est pas tout près, mais il faut aller jusqu'à là-bas. Scott Campbell, qui est juste un des meilleurs tatoueurs du monde, il a tatoué Robert Downey Jr., Orlando Bloom, Marc Jacobs, enfin plein de célébrités et de stars assez connues. C'est pas donné ce tatouage, ça commence à partir de 1000 $. Oh, okay, ouais, non, mais tu payes l'artiste, le gars il est renommé dans le monde entier, le gars c'est tu l'appelles, cher. Il prend l'avion, il se déplace, ouais, il vient de tatouer, tu vois. $1000. Et ben là il reçoit les gens pendant une semaine, ouais, dans une galerie à Londres. Le concept c'est qu'un mur, tu mets ton bras, il y a un trou, tu mets ton bras dans le trou du mur. Ça s'appelle un glory hole. Ça s'appelle un glory hole, ouais. Mais alors tu mets pas ton bras. Non. Ou une autre partie de ton corps. Allez arrêtez bande de cochons. Ouais. Et tu te fais tatouer. Surprise, ce que le mec a envie de te tatouer à ce moment-là. Oh merde. Non, tu sais pas ce que tu fais au fait. Donc tu mets ton bras et tu sais pas ce que le gars il est en train de te tatouer. Et t'as une œuvre exceptionnelle que What personne d'autre oh, ouais, aura fait par un des plus grands tatoueurs du monde. Non mais ça va pas. Attends, on va demander à Bertrand qui vient de Hatt s'il serait capable de faire ça. Bonjour mon Bertrand, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Bah écoute, ça va Bertrand, t'as entendu l'info de Fab là? Ouais, mais il est malade. Bah tu m'étonnes. T'oserais faire ça toi? Bah non, tu vas te retrouver avec un coucou petite perruche à l'embrouille. Ah ouais, c'est vrai, c'était énorme là, le tatouage coucou petite perruche, c'était drôle. Non mais Bertrand, est-ce que t'as des tatouages ou alors no way? Non, zéro. Et si zéro, tu pouvais zéro choisir un truc à te tatouer, si t'avais, tu vois, genre en 10 ans, allez, je me fais un trip et je peux l'effacer après, tu ferais quoi comme tatouage? Je sais pas, un beau paysage ou quoi, mais... Un petit paysage. Bah, c'est ouais, ringard, un chalet quoi, suisse avec des ouais, fleurs et tu mettrais Ricola en dessous. Mais non. T'imagines, ce serait drôle ouais, ça aussi. Non, si, ce serait pas drôle. Ce serait vraiment ça, quoi, drôle. Hey, et vous de l'autre côté de la radio, là, pour tous ceux qui écoutent l'émission à 19h21, vous feriez quoi comme tatouage? Ou alors vous avez fait quoi? Un tatouage un peu bizarre, j'en sais rien, un peu space ou un peu rigolo. 3044 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi. On va vous prendre à l'antenne. Hein. Bertrand, merci beaucoup d'être venu dans la PIA. On te fait des gros bisous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi, c'est un truc de malade ce concept, sérieusement. Est-ce que vous seriez cap ou pas? 3044 pour vos petits messages. On vous prend à l'antenne juste après Pitbull, Florida et Lunch Money. Ouais, je sais, ils sont beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Bienvenue sur Fun. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. Yeah.

Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sound of Legend, Blue. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Les sons Dance Floor. Sur Fun Radio, on poursuit avec Black M. Je suis chez moi sur Fun. Il y aura aussi Calvin Harris dans un instant. Et on parlait des tatouages là à l'antenne parce que Fab nous a appris qu'à Londres il était possible de se faire tatouer, mais en gros genre tu mets ton bras dans un mur et tu vois pas ce qu'on va te tatouer sur le bras, non, de l'autre c'est côté. C'est l'artiste qui fait, mais bon après il faut connaître un peu l'artiste, son univers. Ouais, mais si c'est des choses que t'aimes bien, imagine c'est Walt Disney. Ouais. Toi tu sais que t'aimes bien les Walt Disney en général. Mais j'ai pas envie de me faire tatouer Dumbo quoi, tu vois par exemple. Non, mais voilà, mais tu sais, ah tiens, je sais quel type de dessin il fait, je connais son univers, j'aime bien. Moi je prends le riz, je mets mon bras, j'ai quand même un tatou, je sortirai avec un truc qui me plaira. Non, moi j'oserais pas quoi. Et on me dit, moi j'ai un zèbre sur la peau, car pour moi le Sporting c'est ma vie et à chaque fois qu'il gagne, je l'embrasse. Oh, c'est mignon tout plein. Et j'espère qu'il est bien situé. Hein? J'espère que le zèbre il est bien situé. Bah tu as déjà réussi à t'embrasser le zigouigoui? Mais oui, madame. Oui. Ouais. Ah ouais. Oui. C'est oui. Vrai? Oui. J'ai travaillé très dur ma souplesse pendant des années et j'ai réussi. Non, mais enfin. Vraiment? Oui. Ou tu mens pour la radio? Non, je te jure, oui. Alors, ok. Non, alors, on dit, je le dis, je le jure sur la tête de ma copine Julie. Je le jure sur la tête de ma copine Julie. Mais non! Non. Le gars, il peut se faire des bisous aux aiguilles. Attends, mais on va faire un possible. Truc. On va faire une vidéo de mais Fab. Mais toi aussi, tu peux m'en faire si tu veux. Non, moi. Non, non, on va faire une vidéo et on va la poster sur ma page Facebook. Mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que c'est une performance. Mais je savais faire ça. Je savais faire ça quand j'avais 20 kilos de moins et que j'avais 6 ans et demi. Ah ouais. Non, okay. Tu nous rends du rêve pour rien, quoi. Tu sers à rien. Ah, t'appelles ça du rêve, toi? Et on me dit, moi, j'aimerais bien me tatouer le logo de l'euro sur le bout. De l'euro? Ouais, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il veut être au bout de l'euro. C'est nul. On a Virginie qui est là, qui vient de Morlanway. Elle aussi, elle a peut-être une idée de tatouage. Elle salut. Aussi, elle est au bout. Virginie, ça va bien? Ça va, vous? Moi non, ça va pas. Viens me chercher, s'il te plaît. Oh, j'ai besoin de la solidarité féminine un petit peu. Là, c'est pas facile de travailler avec que des mecs. Heureusement, j'ai Alison au standard qui est là. Girl power. Ouais, ouais, ouais, girl power. Girl power, tu t'adresses pas à la bonne personne en parlant à Alison. Regarde Kevin quand tu dis ça, s'il te plaît. Ouais, c'est sympa, vrai. Il peut parler, lui. Non, mais au moins, j'ai Virginie. Je suis sûre que tu es une femme, Virginie. Ça me rassure. Oui, oui, 100%. Est-ce que t'as malgré la rauque, parce que je suis malade, comme par hasard. Ah, mais attends. Bon. Mais oui, j'avais pas entendu la voix. On a peut-être des doutes, finalement. Virginie, est-ce que tu t'es déjà fait un tatouage? Et si non, bah, qu'est-ce que tu serais capable de te faire tatouer? Ton kiff, ce serait quoi? Ben moi j'ai déjà un tatouage, mais c'était juste comme ça pour le fun il y a quelques années. Et ici j'ai plutôt un projet de tatouage, mais c'est concernant mon fils, donc voilà. Oh, et c'est quoi? C'est pas sa photo quand même? Si, tu vas faire ça? Non, non, non, c'est avec un parchemin et un chapelet qui passe à travers. Waouh! C'est poétique, voilà. C'est poétique ce que tu dis. C'est mignon tout plein. Est-ce que ça fait mal? Moi je me demande, j'ai besoin d'avoir un avis très neutre sur le sujet. Est-ce que ça fait mal un tatouage ou pas? Bah, moi personnellement non. C'est comme des petites pincettes, mais pas douloureux, donc voilà. Parce que des petites pincettes, ça fait mal, hein. Mais ça dépend où. Ouais, mais non, ça va. Bon, moi je crois Virginie. Virginie, merci beaucoup d'être passée à l'antenne. Tu vas faire quoi ce soir, ma chérie? Rien, pas grand chose à manger pour le petit. Moi, et mon voilà. Parchemin, tranquillement. Bah, c'est cool. Bah écoute, Virginie, je te fais des gros bisous en tout cas. Et puis gros bisous à ton petit bout aussi. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Merci, vous aussi. Oui, salut. On embrasse ton petit bout. Bisous, Virginie. Fab aime bien embrasser les bouts des filles. C'est plus fort que lui. Voilà. Vas-y, mets Black M, c'est bon comme ça, je me casse moi. Bon, on va se faire l'horoscope dans un instant. Et puis il y aura du cadeau aussi, si vous voulez repartir avec des places direction le parc Astérix. Et bah, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Vous envoyez maintenant Arc Happy par SMS 6322 pour 1€ le message. Et on vous tire au sort juste après le tout nouveau son de Black M. On a été les premiers sur le coup. C'est Je suis chez moi maintenant sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. C'est pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas de moi, rien que toi, ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'enchaîner. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Bonne soirée sur Fun Radio. Dans un instant, on va savoir qui va repartir avec des places direction le parc Astérix. Si ça vous branche de repartir avec ce chouette cadeau, allez-y, vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322. On fera un petit tirage au sort après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, et on va vous dire s'il serait peut-être pas temps de s'inscrire sur un site de rencontre. Parce que peut-être que vous êtes en pleine galère là pour trouver l'amour de votre vie. Oh, la personne qui partagera votre vie. Hein ? Ah bah voilà. Petite musique romantique pour se mettre dans l'ambiance. Attention, quand on dit romantisme, je sais pas pourquoi, mais ça ne correspond pas à Fab. Mais si, tu vas voir. Et pourtant, c'est l'horoscope de Fab. Donc c'est parti. Les béliers. Vous avez décidé de vous inscrire sur adopteunmec.com. Mauvaise idée. Déjà tout petit à l'orphelinat, personne ne voulait vous adopter. Les taureaux. Si vous voulez du résultat, essayez inchallah.com. Il y a une place à prendre avec tous les mecs qui sont sautés pour le moment. Gémeaux. Laissez tomber tous les sites de rencontres. De toute façon, vous n'avez pas internet dans votre cellule. Les cancers. Vous devriez vous inscrire sur Mythique. Par contre, si vous voulez des résultats, évitez de mettre une photo de profil. Les lions. Avec tous les kilomètres que vous avez au compteur, c'est pas sur un site de rencontre que vous devez vous inscrire, mais sur secondemain.be. Balance. Vous savez que les sites sur lesquels vous êtes repris, ça porte un nom spécial. On appelle pas ça un site de rencontre, mais les fichiers de la police. Vierge. À votre place, j'éviterai les sites de rencontre. Enfin, je dis ça, vous faites ce que vous voulez. Après tout, c'est pas moi qui paye déjà 4 pensions alimentaires. Scorpion. Vous ne trouverez jamais l'homme de vos rêves sur un site de rencontre. L'homme de vos rêves, il sait qu'il est canon. Et à moins qu'il ait le même accident de voiture que Ribéry, il s'intéressera jamais à vous. Les Sagittaires. Laissez tomber les sites de rencontre. Quand on est aussi désespéré que vous, la seule solution, ça reste les demandeurs d'asile. C'est dur, quoi. Les Capricornes. Votre cas est désespéré. Laissez tomber les sites de rencontre. Allez sur le site de la SPA. Adoptez un chat et mourrez toute seule comme une vieille fille que vous êtes. Sympa. Les Verseaux. On oublie tout ce qui est site de rencontre. Continuez d'aller à l'église toutes les semaines. Vous allez rencontrer l'amour. Il a des sandales, une toge et un gros cierge. Et il va vous dire: psst, petit, tu veux voir le corps du Christ? Comment t'exagères? On termine avec les poissons, même si j'ai peur. Vous devriez vous inscrire sur tous les sites de rencontres du monde. Mieux vaut mettre toutes les chances de son côté quand on les roue. Oh non! Qu'est-ce que t'as avec les roues? Moi, je trouve super canon, quoi. Franchement. Mais je peux pas le dire parce que je vais avoir des problèmes. Et alors, moi, ce que je trouve encore plus canon, c'est les roues, tu sais, foncées, comme on appelle ça, les roues vénitiens. Les bruns. Non! Si, c'est ceux qui ont de la chance. Non, avec des beaux yeux bleus ou des beaux yeux verts. C'est ultra canon. Ah oui, non, ça s'appelle Photoshop. Arrête! Et sans rigoler, là, tout à l'heure, alors, juste avant de venir à la radio, j'ai croisé un roux qui attendait le bus. Ouais. Et j'ai eu de la peine pour lui. Mais je sais pas pourquoi. C'est pas cool, franchement, vous êtes vraiment pas cool. Il y avait un roux dans ma classe. Arrêtez, ça suffit. Non, c'est tout. Non, j'explique pas. C'est pas possible, ça, franchement. Vas-y, mets Calvin Harris maintenant. Et puis, je vous laisse le temps de vous inscrire pendant le son de Calvin Harris pour essayer de repartir avec vos places direction le parc Astérix, si ça vous branche. C'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Sur Fun Radio, bienvenue tout le monde si vous venez de vous connecter. On va se faire le son de Dimitri Vegas et Like Mike pour la suite avec Stay A While. Hey, c'est soirée nouveauté aujourd'hui, hein? Exactement. Bah, ça rigole pas avec le nouveau Aluna Jones. La Big Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre, comme dans la vie. C'est la Big Game. Oh ça y est, du coup l'autre il se met dans l'ambiance de l'église. Et on est très porté sur la chose aujourd'hui, hein. Non, toi tu es très porté sur la chose. Nous on te suit parce, que, parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Et parce que tu nous fais peur aussi déjà. Et puis parce que tu es tellement agréable à suivre. Ouais. Ça fait vraiment flipper, 19h46, ça y est, on pète un câble. On est un peu comme les Gremlins après minuit. Bon, vous êtes inscrit, vous avez envoyé Happy par SMS au 6322 pour essayer d'en repartir. Avec 19h46. Excusez-moi. Et on est comme les Gremlins après minuit, c'est-à-dire, là on est tranquille, on est dans la boîte, on attend. Ouais. Ah, est-ce que quelqu'un va nous donner à bouffer après minuit? On sait pas parce que les 19h46, Fun Radio, la radio du suspense. Hein. Si vous voulez attendre qu'il se passe quelque chose, attendez minuit. Allez, hein. Arrête. J'adore les références surtout d'autres. Mais quoi? Putain, les Gremlins c'est connu, foutez-moi la paix. Bon, on a, est-ce qu'on a quelqu'un qui a envoyé oui. Happy par SMS au 6322? Merci bien. Bonjour, c'est quoi ton petit nom? Bonjour, c'est Cathy. Cathy, c'est ça? Kathleen. Kathleen. C'est comme Cathy avec un in. Attends. Oh, Kathleen, t'as joué pour essayer de repartir avec tes places pour aller au parc Astérix. Oui, c'est alors, bien ça. Kathleen, la première bonne nouvelle, c'est que tu repars déjà avec deux places. Ouais, ça fait donc deux places pour toi, ma Kathleen. Maintenant, tu peux décider de les doubler, oui ou non. C'est l'Happy Game, le principe est simple. Tu peux doubler ton cadeau ou alors tout perdre. Tu décides quoi? Je vais essayer de doubler parce que je suis seule. L'Happy Game sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Alors, Kathleen, elle a peur de rien. Je te rappelle donc, au cas où t'as pas bien compris, que si tu perds tout, hein. D'accord, Kathleen, hein. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, alors, tu vas affronter quelqu'un de l'équipe. Sandro, Fab ou alors Allison au standard. Tu veux jouer avec qui? Avec Fab. Avec Fab. Alors, vous allez vous affronter tous les deux au jeu du chiffre. Je vais penser à un chiffre dans ma tête. Et à vous de me dire un chiffre chacun votre tour. Celui qui le trouve a gagné. D'accord? Tout le monde a bien compris? Oui, j'ai bien compris. Le chiffre est en... Attends, parce que quand même, je te donne une fourchette. 24. Non, entre 17. 1, entre 1 et 100. Alors, vas-y, Kathleen, c'est toi qui donne un chiffre en première. 68. C'est plus. 69. C'est plus. 75. C'est moins. 70. C'est plus. J'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit 70. J'ai dit c'est plus. Donc c'est entre 70 et 75. 73. T'as dit 73? J'ai dit 73. T'as dit 73? T'es sûr? Oui, j'ai bien dit. Donc, ah ouais. Kathleen, t'es gagnant. Oui. Oh ouais. Truc de fou. Tu repars avec 4 places pour aller au parc Astérix. C'est cool ça. C'est pas génial. Tu vas y aller avec qui, Kathleen? Alors, je vais y aller avec mon amoureuse Sophie, parce que c'est ton anniversaire la semaine prochaine. Mon, je suis mignon. Et oui, c'est mignon. Et alors, certainement deux copines. Eh bah, génial. Eh bah, félicitations. Tu en profites bien et tu nous fais des photos, tout ça, d'accord? Oui,

Allez, bienvenue sur Fun Radio. Très content de vous retrouver 20h pile, lundi 3 octobre. Vous écoutez Fun juste après la Power d'Audrey entre 17h et 20h. Attends, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que je devais appeler le premier auditeur qui devait passer à la radio. Oh, ça va, Audrey qui se moque. Et en fait, je dis mais allô. Et en fait, je me suis trompé de cornet finalement. Oh là là, mais quel boulet. Tu confirmes ou pas, Audrey, que je suis un boulet? C'est dingue. Le plus gros boulet de toute l'histoire de Fun. Eh, c'est dingue. Et moi et la technique, oh là là, c'est dingue. Donc finalement, le standard fonctionne. Super. Et merci, Kéké du standard. Oh là là là. Et chacun son métier. Hein. Mike Perry, on va l'écouter. De Chainsmokers aussi. Et si vous venez